Ils sont juste experts et répondent à toutes vos questions. Bienvenue dans le nouvel épisode de À vos droits by Jury Travail. Aujourd'hui, Manon, Rania et Marc vont répondre à toutes vos questions. Bonjour à tous et bienvenue dans le tome 2 de notre saga d'actualité jurisprudentielle. Je suis Rania Vautrot et également juriste expert chez Jury Travail. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Pour nous accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon et Marc. Bonjour. Bonjour. Comme dans le tome 1, nous allons commencer par un sujet en droit du travail. Très bien, quelle nouvelle apportez-vous cette semaine ? Je donne la parole à Marc, qui va vous parler de prestations de travail exécutées à la demande de l'employeur pendant la suspension du contrat de travail. Merci Rania pour cette introduction. Imaginez-vous dans cette situation. Vous êtes en arrêt maladie, en congé maternité ou suite à un accident. Votre contrat de travail est donc suspendu. Mais voilà, votre patron vous demande quand même de travailler. Que faire ? Eh bien, la Cour de cassation, dans son arrêt du 2 octobre 2024, estime que si votre employeur vous fait travailler pendant cette période, il engage sa responsabilité et risque de devoir vous verser des dommages et intérêts du fait du préjudice subi. Donc, travailler pendant la suspension du contrat de travail est considéré comme un préjudice pour l'employé. C'est un point très intéressant. Cela me fait penser à une situation différente, mais tout aussi pertinente pour de nombreuses personnes. Le cas d'imprévu avant un voyage. Mes parents ont réservé un package de voyage pour venir me voir sur La Rochelle et profiter d'une cure thermale. Ils ont versé un acompte, mais ma mère est tombée malade entre-temps. Donc, peuvent-ils être remboursés de l'acompte ? La jurisprudence de 2021 est très claire sur ce sujet. C'est impossible de récupérer l'acompte, même si la force majeure de l'article 1218 est reconnue. Malgré le fait que la force majeure soit née après le versement de l'acompte, rendant impossible la prestation du cure thermale, cela ne permettra pas de demander le remboursement de cet acompte sur ce même fondement. Donc, même la force majeure n'est pas suffisante pour se faire rembourser. J'y penserai la prochaine fois que je réserve un voyage, je vais devoir prévenir mes parents de la mauvaise nouvelle. D'ailleurs, concernant la force majeure, il y a une décision récente sur celle-ci dans le cadre d'un accident de ski cross. Tu parles de l'accident survenu lors d'une compétition ? Un des participants avait fini tétraplégique après avoir entrechoqué ses skis avec ceux d'un autre compétiteur. Il me semble que la force majeure avait exonéré le fautif. Oui. La cour d'appel a estimé que l'auteur du dommage ne pouvait pas éviter l'accident, car il était en plein saut et ne pouvait pas changer sa trajectoire. De plus, l'accident était imprévisible car la victime a soudainement changé de position pendant le saut. Aussi, avant le saut, la victime se trouvait derrière et à gauche de l'auteur du dommage, mais sa position a changé de manière inattendue. L'événement a donc été considéré comme extérieur, irrésistible et imprévisible pour l'auteur du dommage, caractérisant la force majeure. Découvrez le tips du juriste. C'est vrai, mais la Cour de cassation a annulé cet arrêt d'appel en jugeant que la simple modification de sa trajectoire par un skieur engagé dans une épreuve de ski cross ne constitue pas un événement imprévisible pour un autre concurrent. Elle ne présente donc pas tous les caractères de la force majeure et ne permet pas d'exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité. À l'inverse, la Cour exonère l'auteur de sa responsabilité, lui incombant en qualité de gardien. Je vois, la force majeure ne peut donc pas être évoquée dans ce cas. Bien. Cher auditeur, pour la suite de notre podcast, nous allons procéder de façon légèrement différente de notre habitude et vous faire un point sur une notion de droit. Je laisse mes collègues vous la présenter. Merci Rania. Pour cette nouvelle rubrique, on va vous parler d'une notion qui peut être importante pour tout un chacun, à savoir la procédure de recouvrement des dettes. Avant toute chose, il faut se demander quels types de dettes sont concernées par cette procédure. Excellente question. Pour appliquer la procédure, il est nécessaire de s'assurer que la dette respecte certaines conditions, à savoir qu'elle doit être certaine, liquide et exigible. C'est-à-dire que la dette doit être existante, que le montant soit déterminé ou déterminable, et qu'enfin, elle soit arrivée à échéance. Une fois que ces critères sont respectés, où est-ce que l'on doit déposer la demande ? Pour déterminer où et à qui il faut déposer la requête, il faut prendre en compte deux éléments. Le tribunal compétent est celui du domicile ou du siège social du débiteur ou l'un des débiteurs s'il y en a plusieurs. Cependant, c'est la nature de la dette qui va déterminer le juge compétent. Par exemple, si la créance est de nature commerciale, ce sera le tribunal de commerce qui sera compétent. Là où pour les crédits à la consommation et les loyers impayés, c'est le juge des contentieux et de la protection qui est compétent. Et le président du tribunal judiciaire, lui, est compétent pour les dettes de nature contractuelle ou autres dettes en général. Une fois la requête introduite, comment se passe le recouvrement ? À partir de ce moment, il y a deux voies possibles. La première, la voie amiable, qui se fait par la mise en demeure en passant ou non par un commissaire de justice mandaté par le créancier. le débiteur doit agir avant la date limite inscrite. Pour le faire, il a deux options. Soit contacter le créancier afin de négocier un étalement de dette, soit contacter le tribunal afin de demander un délai de paiement, dit délai de grâce. Pour la voie judiciaire, le juge est saisi et rend une injonction de payer. C'est ensuite le greffe qui l'envoie au créancier avec son titre exécutoire. Le titre exécutoire est valable 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Cette procédure n'est pas contradictoire et l'ordonnance n'est pas motivée. Le juge peut décider de faire droit de la demande en tout ou partie. L'ordonnance est donc rendue avec la somme retenue. Par contre, le créancier ne peut pas faire appel de la décision et ne pourra pas engager une procédure pour demander le surplus dans le cas où le montant retenu est partiel à celui demandé. Mais qu'est-ce qui est possible de faire pour le créancier si le débiteur ne paye pas ? Si le créancier rencontre des difficultés à recouvrer sa créance, il doit s'adresser à un commissaire de justice pour la mise en exécution de l'ordonnance. Le commissaire de justice peut alors procéder par exemple à une saisie de biens mobiliers ou une saisie de compte bancaire. Et est-ce qu'il existe une possibilité pour le débiteur de faire opposition ? Oui, bien sûr. Le débiteur a un mois à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction pour faire opposition. Si la signification n'a pas été faite à la personne, ce délai d'un mois commence à partir de l'acte d'exécution, comme un avis de saisie sur un compte bancaire. L'opposition doit être faite au tribunal qui a rendu la décision, soit en se rendant au greffe, soit en envoyant, par lettre recommandée, une requête sur papier libre ou à l'aide d'un formulaire CERFA numéro 15602. Mais toute cette procédure doit avoir un certain coût. Est-ce que le créancier peut facturer les frais de recouvrement au débiteur ? Effectivement, ce n'est pas gratuit. Cependant, il est interdit au créancier de facturer les frais de recouvrement au débiteur, sauf dans quatre situations. Donc, il peut le faire si les frais concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier, par exemple le commandement de payer un loyer ou une prime d'assurance. Ensuite, il peut le faire si les frais ont été engagés à la suite de la mauvaise foi du débiteur. Toutefois, le créancier devra saisir le juge de l'exécution et prouver que le débiteur a agi de mauvaise foi, par exemple en prouvant que ce dernier n'a jamais eu l'intention de le payer. Aussi, dans le cas où les frais ont été engagés pour recouvrer des sommes qui n'ont pas pu être perçues en raison d'un chèque émis sans provision. Et enfin, si le créancier et le débiteur sont des professionnels. Dans ce cas, le créancier peut réclamer une indemnité forfaitaire de 40 euros. D'accord, mais jusqu'à quand le créancier a-t-il le droit d'agir ? Y a-t-il des délais de prescription ? Il y a bien entendu des délais de prescription. Toutefois, il en existe plusieurs et ils sont déterminés en fonction de la nature de la dette. Par exemple, si l'action est dirigée contre un consommateur, le créancier professionnel a 2 ans pour agir. À l'inverse, si l'action est menée contre le professionnel, la prescription est de 5 ans. Mais Marc, dis-moi si je me trompe, mais il existe une procédure simplifiée, non ? Tout à fait. Cette procédure est possible pour les créances inférieures à 5000 euros. Le créancier peut directement mettre en œuvre la procédure par la plateforme de traitement des petites créances. Cette procédure rapide, mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande d'un créancier, lui permet de délivrer un titre exécutoire. Cependant, il faut l'accord du créancier et du débiteur. Si le débiteur refuse de payer sa dette alors qu'il a accepté la procédure, un huissier de justice pourra procéder au recouvrement forcé de la créance sans passer par le juge. À noter que pour des raisons déontologiques, l'huissier de justice qui procédera au recouvrement forcé ne peut pas être celui qui a mis en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement amiable des créances. L'absence de réponse dans un délai d'un mois de la part du débiteur est considérée comme un refus. Vu qu'on arrive à la fin de notre podcast, je voudrais avoir votre avis sur la théorie de l'imprévision prévue à l'article 1195 du Code civil. Nous allons donc voir les conditions d'application de l'imprévision, les caractéristiques, la révision judiciaire et les exclusions de l'imprévision. Alors, parlons de l'article 1195 du Code civil et des conditions nécessaires à son application. Le tribunal de commerce de Paris a bien précisé ses critères. D'abord, il faut un changement de circonstances qui n'était pas prévisible au moment où le contrat a été signé. Ensuite, il faut que ce changement rende l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour l'une des parties, mais cela ne s'applique que si cette partie n'a pas accepté les risques liés à cette imprévision. Et bien sûr, il faut aussi qu'une tentative de renégociation entre les parties ait échoué. Maintenant, l'imprévisibilité, comment la caractériser ? Eh bien, le tribunal distingue ce qui est simplement prévisible des véritables imprévus. Par exemple, des fluctuations normales, comme celles qu'on a vues pendant la crise du Covid-19, ne suffisent pas. Mais des hausses considérables comme celles provoquées par la guerre en Ukraine, là, on parle d'une véritable imprévisibilité. Ce qui compte aussi, c'est la date à laquelle le contrat a été signé et le caractère extraordinaire de la fluctuation, comme une augmentation de 316% du prix du gaz. Ça, c'est du concret. Découvrez le tips du juriste. Pour la révision judiciaire du contrat, celui qui en fait la demande doit démontrer qu'il y a bien un changement de circonstances aux conséquences extraordinaires. Et ce n'est pas tout, il doit aussi présenter au juge des propositions précises, détaillées et justifiées pour réviser le contrat. Sinon, le juge n'aura qu'une seule option, mettre fin au contrat. Mais tout cela ne s'applique pas toujours. La jurisprudence exclut l'article 1195 dans certains cas. Par exemple, pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette disposition, ou encore si les parties ont explicitement accepté les risques d'imprévision dans le contrat. Plusieurs cours d'appel ont d'ailleurs refusé d'appliquer cet article pour des contrats signés avant 2016. Merci Manon et Marc pour vos explications, interventions et votre expertise apportée aujourd'hui. Merci à vous. Merci également de nous avoir invités. Avec plaisir. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner et à nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont en description. Pour aller plus loin, découvrez nos derniers articles sur notre site. À bientôt pour un nouvel épisode de À vos droits, va jury travail.